Chapitre 15e, Tante Mélie. Maintenant, Madame Laurent, devant ce désastre, pleurait. « Je te demande pardon, » lui dit son mari. « Je t'ai avoué pourquoi j'ai fait cela, comment je l'ai fait. Tu connais le résultat de ma faute. Je n'ai plus qu'à te demander pardon de toute la peine que je vais te causer. » Mais Madame Laurent était une femme admirable. Elle ne pensa même pas à récriminer contre son mari trop coupable, qui la ruinait, qui gâchait sa vie, qui lui attirait encore et de si tragique façon la haine de son père. Après avoir consacré quelques instants à sa douleur, elle essuya ses yeux et dit à son mari « Je n'ai pas à te condamner, je n'ai pas à te pardonner. Ce qui est fait est fait. Nous devons au plus vite essayer d'en atténuer les résultats. Comment? Nous ne pouvons rien faire. Il faut trouver un moyen. Le moyen existe certainement. Il n'y en a qu'un, qui n'est pas à notre portée. Payer? Payer, oui. Où veux-tu que dans 8 jours je trouve 10 000 francs? Il faut les trouver, les chercher tout au moins. Où cela? À qui les demander? N'as-tu pas assez d'amis? Ne comptons pas sur les amis quand nous avons besoin d'argent, c'est vrai. Tu le vois, depuis que ce misérable banquier m'a refusé un renouvellement, non seulement j'ai fait appel à mes amis, mais j'étais en province, chez mes parents. Je n'ai rien trouvé, personne qui consentit à me tirer d'embarras. Depuis plusieurs jours, en effet, M. Laurent s'absentait. Ce qui faisait dire à Paulin Broquet que depuis la mort du banquier, il avait quitté Paris. Rien, rien. Pas un ami, pas un parent. Alors, fit résolument Madame Laurent, il faut employer les moyens énergiques. Lesquels? Allons trouver mon père. Il refusera de me recevoir. Il me mettra à la porte. Et nous en serons pour un affront de plus. Peut-être pas. D'ailleurs, nous devons tout tenter. Certes, mon père va se cabrer, crier, tempêter. Mais il y a une chose chez lui plus forte que son amour de l'argent, c'est le souci de son honneur. Tu veux que je lui avoue mes faux? Non, pas cela. Tu lui diras seulement dans quelle situation désespérée tu te trouves. Je crois, j'espère, je suis certaine, qu'il t'écoutera. Il y va de la vie d'un homme, de l'honneur de sa fille, de sa famille, en somme. Mon père cédera. D'ailleurs, je vais lui écrire. Je ne puis aller moi-même lui parler affaires, argent. C'est à vous deux à régler cela, mais je vais le préparer à ta visite. Voudra-t-il me recevoir? Oui, après ma lettre. Oh, c'est une démarche pénible. Allons, mon ami, allons, du courage. Certes, tu ne vas pas passer un moment agréable chez mon père, mais le salut dépend de cet entretien. Courage. Elle prit du papier à lettre et se mit à écrire. Ce fut une longue lettre, pénible, qu'elle dut recommencer plusieurs fois, qu'elle arrosa de ses larmes. Elle la lut à son mari. Oui, c'est humiliant de prier, dit-elle. De supplier ainsi. Mais enfin, c'est fait. Tu n'auras en somme en allant chez mon père qu'à prendre la réponse à ma lettre. Elle la mit sous enveloppe, la cacheta, et dit à son mari d'aller lui-même la porter à la poste pour qu'elle arrivât le lendemain à Itonville. Monsieur Laurent, accablé, obéissait machinalement à sa femme. Quand il fut sorti, Madame Laurent eut un moment de désespoir et, dominée par ses nerfs que jusque-là, devant son mari, elle avait maîtrisé, elle éclata en gros sanglots. Cependant, quand M. Laurent revint une demi-heure après, elle avait bassiné ses yeux, atténué autant que possible les traces de ses larmes, et lui montra un visage calme et affectueusement souriant. « Tu partiras demain soir pour l'Aigle, » lui dit-elle. « Après-demain, tu verras mon père. Tu passeras la journée avec lui. Sois calme, ne te laisse pas emporter, écoute-le et tâche de le convaincre. » Elle ajouta, « Nous avons une autre branche de salut. Laquelle? Si mon père refuse, je ferai moi-même la démarche. J'irai chez Tante Mélie. Tante Mélie? Elle est encore plus avare que ton père. Nous verrons bien, quand tu reviendras de chez mon père. Si tu as réussi, parfait. Sinon, j'irai chez Tante Mélie. » Monsieur Laurent, certain maintenant de l'appui de sa femme, ne redoutant plus sinon ses récriminations, du moins ses plaintes au sujet des faux dont il s'était rendu coupable, passa une nuit assez calme. Le lendemain, il se rendit à son magasin, prépara son absence qui pouvait durer 2 jours, et fit des courses dans Paris. Il comptait prendre le train qui l'emmènerait à l'Aigle à 11 heures du soir. Il voulait donner à son beau-père le temps de recevoir la lettre d'Octavie. Même dans le cas où il serait en course dans les environs, comme cela lui arrivait souvent pour ses diverses affaires. Il voulait aussi laisser passer quelques heures, une journée, entre la réception de la lettre et sa visite. Ainsi le maire d'Itonville pourrait à son aise se laisser aller à sa colère, et trouvera le temps de se calmer. M. Laurent espérait ainsi recevoir un accueil un peu moins dur de son beau-père. Donc, à la nuit, Il se dirigea vers la gare Montparnasse. Sa femme l'accompagnait pour lui donner sur le quai les derniers encouragements. Monsieur Laurent n'emportait avec lui qu'une sacoche de voyage en cuir fauve. Comme il sortait de la porte de la maison qu'il habitait, tenant en main ce sac, et se dirigeant vers le fiacre que sa bonne était allée quérir, un commissionnaire assis non loin de cette porte, son crochet appuyé à un arbre du boulevard, se leva promptement, vint à lui et lui prit le sac des mains. Le commissionnaire ouvrit la porte du fiacre devant Madame Laurent, remit le sac de voyage au cocher, puis, ayant tiré sa casquette, demanda à M. Laurent, assis maintenant près de sa femme, ce qu'il fallait dire au cocher. « Gare Montparnasse, » répondit M. Laurent en mettant quelques sous dans la main du commissionnaire. Le fiacre s'éloigna. Le commissionnaire le regarda descendre le boulevard, puis il se dirigea vers un petit café-bar voisin. Rapidement, un consommateur qui buvait à une table, il dit en parlant tout bas « Gare Montparnasse ». Le consommateur paya aussitôt sa consommation et quitta le café tandis que le commissionnaire allait au comptoir se payer un petit verre avec l'argent de M. Laurent. Le consommateur, une fois hors du bar, sauta dans une automobile qui stationnait un peu plus loin. « Gare Montparnasse, » dit-il seulement. L'auto roula et arriva, naturellement, à la gare bien avant le fiacre qui contenait M. Laurent et sa femme. Au moment où le chef de train fermait les portières, un homme portant une petite valise pénétra dans le compartiment qu'allait occuper M. Laurent et y prit un coin. Un des coins opposés à la portière ouverte et donnant sur le couloir du compartiment était déjà occupé par un voyageur qui, roulé dans une couverture, plongé dans un oreiller, se préparait à voyager aussi confortablement que possible. Cet homme était celui que le commissionnaire était allé prévenir dans le café-bar. Quant à l'autre, celui qui arrivait au moment du départ, il venait aussi du boulevard de Sébastopol. Sur le trottoir en face de celui où se trouvait la maison de M. Laurent, se tenait toute la journée, depuis 3 ou 4 jours, un camelot qui proposait d'une voix monotone aux passants des chaînes pour chiens, des anneaux brisés pour clés, des cordons de souliers et du papier de Nubie odoriférant. Ce marchand, était-ce par hasard, quand M. Laurent monta en voiture, cessa de proposer sa marchandise aux passants. Si l'on peut dire ainsi, il ferma boutique. Il traversa le boulevard, sauta dans une voiture de place qui stationnait là, et sans qu'il eût rien dit au cocher, celui-ci fouetta son cheval, qui d'ailleurs, sous ses harnais vulgaires, semblait de bon sang, et se mit à suivre le fiacre dans lequel se trouvaient M. Laurent et sa femme. Arrivé à la gare, de ce fiacre dans lequel était entré un camelot, sortit un homme vêtu correctement, sinon élégamment, qui, muni d'une petite valise à main, s'approcha du guichet en même temps que M. Laurent et prit comme lui un billet pour l'Aigle. En attendant que le train partît, ce voyageur eut le temps, avant d'entrer sur le quai, d'écrire quelques lignes sur une feuille de son calepin. Puis il porta cette feuille au cocher qui l'avait accompagné et la lui remit. Enfin, il se précipita sur le quai et arriva comme nous l'avons vu. Peu après, le train s'ébranlait en portant M. Laurent et ses deux mystérieux compagnons. Restés sur le quai après les derniers tendres embrassements, Mme Laurent agitait, en affectueux geste d'au revoir, son fin mouchoir avec lequel elle essuyait les larmes de ses jolis yeux. Puis, le train ayant disparu dans le lointain, Mme Laurent quitta la gare. Elle se rendit au prochain bureau de poste, prit une formule de télégramme et écrivit ceci. « André Girardet, ville d'Avray. Albert absent pour 2 jours. Dites-moi s'il pourrait vous voir demain. Amitié. Octavie. » Elle porta le télégramme à l'employé qui le prit, compta les mots et annonça le prix de l'envoi. Tout en gardant la jolie expéditrice, il lui dit « Ce télégramme ne partira que demain, madame. »« Demain seulement ?» fit Madame Laurent. « Alors il faut que je rectifie. » Galamment, l'employé lui passa son porte-plume. Madame Laurent effaça le mot « demain » et le remplaça par « aujourd'hui », et pour plus de tranquillité nomma le jour. Puis, ayant payé, elle s'en alla. « Demain, » fit-elle, « je le verrai certainement. » Est-ce que M. André Girardet était cette redoutable tante Mélie ?